Chapitre 12e. À dater de ce moment, une correspondance assez longue et assez active s'engagea entre les principaux personnages de cette histoire. Nous publions simplement les lettres nécessaires à l'enchaînement du récit. Madame de Lorris à Monsieur de Rias, à Paris. Trouville, 23 août. Cher monsieur, hier, après votre départ, votre femme a eu l'aimable pensée de venir me demander l'hospitalité. Jusqu'à ce que sa mère soit de retour, le trouvez-vous bon ? Monsieur de Rias à Madame de Lorris. Chère madame, je le trouve excellent. Madame de Lorris à Monsieur de Rias. Vous m'encouragez. M'autorisez-vous à me montrer avec vous de la dernière indiscrétion ? Monsieur de Rias à Madame de Lorris. Plus vous serez indiscrète, plus cela me sera agréable. Madame de Lorris à Monsieur de Rias. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je commence. Mon cher cousin, je n'ai pas été aussi insensible que j'en ai eu l'air aux reproches flatteurs que vous m'avez adressés dans la soirée de samedi dernier. J'aurais été, suivant vous, la cause déterminante de votre mariage. Ce fut mon mérite éblouissant qui vous donna jadis de mon sexe une idée tellement avantageuse que toutes vos objections contre le mariage se dissipèrent soudain comme un brouillard devant l'astre du jour. C'est très bien. J'accepte le compliment, pourvu que vous me permettiez de remplir les devoirs qu'il m'impose. Je me regarde comme engagé d'honneur à réaliser les espérances que je vous ai fait concevoir. Je veux que votre ménage soit heureux. Vous me direz qu'il est trop tard. Je ne le crois pas. Je me consacre à vous prouver le contraire. Mais il faut que vous me secondiez par votre confiance et votre bonne volonté. Il faut que je puisse exiger de vous au besoin quelques sacrifices. Par exemple, je jette la sonde. Êtes-vous homme, malgré votre pure essence parisienne, à entreprendre un petit voyage hors de France quand je vous en aurai démontré l'opportunité ? Monsieur de Rias à Madame de Lorris. Oui, si vous m'accompagnez. Madame de Lorris à Monsieur de Rias. Vous ne me pardonnez pas apparemment, monsieur, d'avoir pris l'autre soir le parti de votre femme contre vous, et vous vous vengez par une impertinence. Je vais me venger aussi à ma façon. Je veux bien vous dire que notre entretien m'avait laissé une impression de sympathie pour vous. Votre accent de sincérité et de douleur m'avait touché. Je commençais à me persuader que je m'étais trompé en vous accusant, ou du moins en vous accusant seul des tristesses de votre intérieur. Bref, ce n'était pas seulement par affection pour Marie, c'était aussi par estime pour vous que je vous offrais mes humbles services. Il ne me reste plus qu'à vous offrir mes excuses. Monsieur de Rias à Madame de Lorris. Chère madame, je suis parfaitement honteux de ma sottise. J'étais, à la vérité, sous le poids de cette pensée que vous étiez vendu à l'ennemi et uniquement préoccupé de ses intérêts. Vous daignerez convenir que votre proposition un peu brusque de me faire voyager hors de France n'était pas de nature à modifier cette amère conviction. Votre très gracieuse lettre me livre à vous tout entier. Je ne plaisante plus, je ne raisonne plus, j'écoute et j'obéis. Je suis prêt à croire qu'en m'invitant à m'expatrier, vous me donnez un témoignage tout particulier de votre bienveillance. Vous m'avouerez qu'on ne saurait pousser plus loin la confiance et le respect. J'attends vos ordres et je fais mes mal. Madame de Lorris à Monsieur de Rias. Encore un peu d'aigreur. Mais enfin, de la soumission. Cela me suffit. Je quitte, monsieur, un ton de légèreté qui convient bien peu au sérieux de mes pensées et des vôtres. Vous aurez compris que j'avais reçu toutes les confidences de votre femme. Vous avez eu avec elle des paroles bien graves, bien offensantes, et permettez-moi de dire, bien imprudentes. Après une telle scène et dans l'état de vos dispositions à tous deux, ne pensez-vous pas que votre intimité serait bien difficile ? Que la vie commune, reprise aussitôt, ne pourrait qu'envenimer vos mutuelles blessures et les rendre irrémédiables. Ne pensez-vous pas qu'il faut vous donner le temps de vous calmer, chacun de votre côté, d'oublier vos griefs, de vous rappeler peut-être vos torts? Je vous supplie de penser tout cela avec moi. Votre femme rentre à Paris dans 8 jours. Je vous ai entendu dire autrefois qu'un séjour en Angleterre vous serait indispensable pour vos recherches historiques, mais que vous n'aviez pas le courage de vous y décider. Ayez aujourd'hui ce courage, je vous en prie, J'ai le sentiment profond qu'il y va du bonheur de votre vie. Pendant votre absence, je me charge de votre femme. Elle demeurera chez elle ou chez sa mère à votre gré. Mais nos deux existences seront communes. Elle est toujours digne de vous, j'en suis sûr, et je vous l'affirme. Mais ce n'est pas assez, puisque vous ne l'aimez pas telle qu'elle est. Eh bien, je ferai tout mon possible pour que vous retrouviez en elle la femme de vos rêves, c'est-à-dire une femme de marin, je crois. Seulement, monsieur, si vous voulez la conserver telle que j'espère vous la rendre, vous aurez, s'il vous plaît, à faire quelques petites réformes de votre côté. J'ai là-dessus des idées que je vais mûrir dans ma haute sagesse et que j'aurai l'honneur de vous exposer en temps et lieu. Monsieur de Rias à Madame de Loris. Chère madame, j'accepte l'épreuve. Je n'en attends rien pour mon bonheur. J'en attends tout pour ma justification. Vous ne tarderez pas à reconnaître qu'il y a des folies incurables qui découragent, qui désespèrent la plus patiente affection. Vous me rendrez alors plus de justice, et je ne regretterai pas le sacrifice que je m'impose si j'ai gagné l'amitié d'un cœur aussi délicat et aussi généreux que le vôtre. Je pars dans 2 jours pour Londres. Je désire que Madame de Rias continue d'habiter chez elle. Je prie Madame Fitzgerald de vouloir bien me donner quelquefois des nouvelles de mes enfants. Madame Fitzgerald à Monsieur de Rias, à Londres, Hôtel Clarendon, Paris, octobre. Mon cher Lionel, je vous envoie les nouvelles photographies de vos enfants qui se portent tous deux à merveille. Ils ont posé avec une sagesse bien remarquable pour leur âge. Le photographe n'en revenait pas. C'est un Polonais. Je ne me risque pas à vous écrire son nom. Il nous a été indiqué par la duchesse. Pauvre femme. Elle me désole avec son cousin Pontis. Le duc est bien aveugle. Tant mieux du reste. Mais revenons à vos chers enfants. Ce sont 2 prodiges d'intelligence et de beauté. Ils me consolent de bien des choses. Vous me comprenez, mon ami. J'espère que votre grand ouvrage avance. Nous serons bien heureuses, ma fille et moi, d'en entendre la lecture. Ce sera délicieux. Nous comptons sortir très peu cet hiver. Ma fille ne quitte plus sa cousine de Loris. C'est Paul et Virginie. Elles lisent ensemble Madame de Sévigné. On n'écrit plus comme cette femme-là. Adieu, mon ami. Quand nous revenez-vous? Monsieur de Rias à Madame Fitzgerald à Paris. Londres. Je vous demande pardon, chère madame. On écrit encore comme Madame de Sévigné, et votre charmante lettre en est la preuve. Les femmes écrivent avec une sorte de génie naturel, dont aucun art ne saurait approcher, pas même celui des photographes polonais. Je n'en suis pas moins ravi des 2 portraits, et très reconnaissant de votre attention. Vous voulez bien vous informer de l'époque de mon retour. Madame de Loris vous renseignerait beaucoup mieux que moi à ce sujet. Suis-je ici pour 2 mois ou pour 10 ans? Dois-je me faire naturaliser sujet britannique? Elle seule le sait. Je baise avec un tendre respect, chère madame, les plus belles mains du monde. Il n'y a rien d'approchant en Angleterre. Madame de Loris à Monsieur de Rias. Paris, novembre. On me dit, monsieur, que vous désirez être fixé sur la durée de votre séjour dans le Royaume-Uni. Rien de plus naturel. Mais je ne pouvais, vous le comprendrez, vous la préciser à l'avance. Tout devait dépendre du succès que j'obtiendrais dans l'œuvre que j'ai entreprise. Votre aimable femme, Dieu merci, s'y prête avec tant de bonne volonté que je puis dès à présent limiter votre exil à un petit nombre de mois. 3 ou 4, voulez-vous? Mettons 6, car enfin faut-il le temps de consolider les choses. La même, au même, Paris, décembre. Vous auriez tort de supposer, monsieur, que nous passons notre vie, votre femme et moi, dans l'austérité du cloître. Nous sommes, à vous dire vrai, 2 veuves fort alertes. Nous courons dans Paris comme 2 provinciales, et nous y faisons d'étranges découvertes. Par exemple, le musée du Louvre, le musée de Cluny, le musée Carnavalet, que sais-je. Nous poussons même jusqu'au musée de Saint-Germain, en passant par le pavillon Henri IV où nous déjeunons divinement. Nous avons assez souvent un guide très obligeant et très instruit, et pas compromettant du tout, vous pouvez croire, qui nous démontre, qui nous explique, qui nous traduit. Nous refaisons ainsi tout doucement nos petites études, un peu négligées, il faut en convenir. Nous repassons notre histoire, notre géographie, notre rhétorique et même notre philosophie, comme dans un grand livre illustré. Nous voyageons à travers le temps et l'espace, comme si nous avions des ailes. Nous allons de l'âge de pierre au siècle de Louis XIV, des habitations lacustres à l'hôtel de Rambouillet, et nous sentons la différence. Mais nous avons trop à faire chez nous pour occuper toutes nos journées au dehors. Ne faut-il pas commencer l'éducation de nos enfants? Un peu d'alphabet, un peu de piano, un peu d'histoire sainte, c'est tout pour le moment. Mais plus tard, quand ils seront plus capables, et nous aussi, nous ferons mieux. Puis nous avons nos fleurs. C'est une idée qu'a eue votre femme de vider les serres de frênes pour remplir sa maison de fleurs et de feuillages, du sous-sol jusqu'au comble. Tout cela vient et s'en retourne deux fois chaque semaine, pour que les plantes ne souffrent pas. On les place, on les déplace, on les arrose, on les éponge, et cela sent très bon. Ce qui sent meilleur encore, c'est notre lingerie. La jolie chose qu'une lingerie, monsieur. Vous serez fou de la vôtre. Vous tomberez à genoux devant ces grandes armoires vitrées, où s'étalent des piles d'un beau linge blanc comme la neige. Ces piles blanches sont reliées avec des rubans bleus, semés de sachets roses, et parfumés d'une saine odeur d'iris qui fait penser à nos grands-mères poudrées. Bref, c'est un ordre et une propreté extrême dans notre maison. Je vous épargne les détails. En voilà assez pour vous prouver que nous prenons goût à notre ménage. Si je voulais vous donner une idée complète de l'emploi de nos journées, il faudrait aussi vous parler de nos œuvres de charité. Mais où serait le mérite si nous en parlions? Le soir, nous sommes tout aux arts, théâtre, musique et lecture mêlées. Nous lisons Saint-Simon quand nous revenons de Versailles, Madame de Sévigné ou Madame de Lafayette quand nous sortons de l'hôtel Carnavalet, un roman de George Sand quand nous voulons rêver, un premier Paris quand nous voulons dormir. Mais quoi, me direz-vous? Point de chiffon, point de bal, de réunion, de fête mondaine? Excusez-moi, mon cher monsieur, un peu de tout cela. Nous sommes après tout des femmes du monde, et nous ne voulons pas cesser de l'être, ne fût-ce que pour ne pas cesser de vous plaire, car vous aimez beaucoup les ménagères et les matrones, mais à la condition qu'elles aient les mains blanches, les ongles roses et des robes bien faites. Nous allons en conséquence dans le monde à nos heures. Nous savons que le monde est un plaisir permis, mais nous savons aussi que tous les plaisirs permis tournent au vice quand on en abuse, donc nous n'abusons pas. Nous donnons aux distractions mondaines la part accessoire qui leur revient dans l'existence d'une chrétienne distinguée, et rien de plus. Vous avez peine à me croire, monsieur. Une métamorphose si brusque et si complète dans les habitudes et dans les goûts de votre femme vous semble invraisemblable. Elle le serait, en effet, si elle ne s'expliquait pas une raison secrète dont vous ne vous doutez pas, que vous n'imaginerez jamais, que je dois vous taire et que voici. C'est qu'il y a quelqu'un que votre femme désire contenter, charmer, édifier, attacher. Et ce quelqu'un, je me figure, mon cousin, que c'est vous, quoique indigne. Madame de Loris à Monsieur de Rias. Mars. Voilà donc qui est fait, monsieur. Dans quelques semaines, vous rentrez à Paris. Vous avez supporté l'épreuve jusqu'au bout avec une résignation et une loyauté dont je suis touché. Je sens tout le prix de votre confiance. Je l'ai justifié de mon mieux. Aidé du conseil de mon frère bien-aimé, à qui je dois moi-même le peu que je vaux, le peu que vous estimez en moi, j'ai essayé de vous préparer une intimité plus heureuse. Votre femme, en ce qui la concerne, a secondé mes efforts de tout son cœur et de toute son intelligence. Il me reste à vous demander de vouloir bien faire comme elle. Ceci n'est point la partie de ma tâche la moins délicate, et j'ai besoin pour l'accomplir d'une certaine audace de franchise que je recommande à toute votre indulgence. Bien longtemps avant que j'eusse reçu vos confidences, monsieur, votre mariage était pour moi l'objet de réflexions d'une profondeur extraordinaire. Le tour fâcheux qu'il avait pris m'étonnait et me troublait au dernier point. Il confondait mon bon sens, déconcertait ma logique et alarmait même ma piété. Je connaissais votre femme comme moi-même. Je croyais bien vous connaître aussi. Que l'union de deux êtres si heureusement doués et si parfaitement disposés l'un et l'autre pour le bonheur et pour le bien tourna fatalement à la mésintelligence, à la discorde et au mauvais ménage, cela était un peu dur à concevoir. Si le mariage, même contracté dans ses rares conditions de convenance et d'harmonie, aboutissait au désastre, il fallait y renoncer. L'institution était condamnée. C'était ce que j'avais peine à admettre. Par bonheur, à force de creuser ma pauvre tête, je finis par découvrir qu'au lieu d'attribuer les torts au mariage, il était peut-être plus juste de les attribuer aux mariés et particulièrement, je vous l'avoue, aux mariés. Mon Dieu, je sais, les femmes sont trop légèrement élevées en France. Leur éducation est superficielle, frivole, exclusivement mondaine. Elle les prépare fort mal au métier sérieux de femme mariée. Tout cela, je vous l'accorde. Mais malgré tout cela, j'ose vous affirmer qu'en thèse générale, il n'y en a pas une qui ne soit moralement supérieure à l'homme qu'elle épouse, et plus capable que lui des vertus domestiques. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que les femmes ont toutes à un plus haut degré que vous la vertu maîtresse du mariage, qui est l'esprit de sacrifice. Mais il leur est difficile de renoncer à tout quand leur mari ne renonce à rien, et c'est cependant ce qu'il leur demande. Vous avez cru être, monsieur, un mari modèle, et à beaucoup d'égards, vous en étiez un. Je vous rends cet hommage. Mais vous aviez pourtant, avec la foule banale de vos confrères, un point commun. C'était de vous faire une idée très nette des devoirs que le mariage imposait à votre femme, et une idée très vague de ceux qu'il vous imposait à vous-même. Le mariage n'est pas un monologue, c'est une pièce à deux personnages. Or, vous n'aviez étudié qu'un rôle, et ce n'était pas le vôtre. Vous êtes trop sincère, monsieur, pour ne pas convenir que votre conception personnelle du mariage était simplement celle-ci, ajoutée aux douceurs habituelles de votre vie, un accessoire agréable dans la personne d'une femme honnête et gracieuse qui orna votre maison, qui perpétua votre nom, et vous apporta enfin, sans trop vous déranger, un supplément de confort et de respectabilité. Vous vous êtes beaucoup préoccupé, comme tout votre sexe, de trouver à Paris, en province, en Chine, cette femme merveilleuse qui devait faire tous les sacrifices et n'en exiger aucun. Vous ne l'avez pas trouvée, et personne ne la trouvera, car cet oiseau rare que vous rêvez tous, la femme d'intérieur, suppose un oiseau plus rare encore, c'est un homme d'intérieur. Qu'est-ce que c'est, monsieur, qu'un homme d'intérieur ? Un homme d'intérieur n'est pas un homme qui fait de la tapisserie au pied de sa femme, qui rédige les menus, qui écrit les invitations, qui remonte les lampes et règle les pendules. Nous appelons homme d'intérieur celui avec qui nous lisons le même livre, avec qui nous voyons le même spectacle, avec qui nous admirons le même tableau ou le même paysage, celui qui nous fait une vie intellectuelle et morale à côté de la sienne, ou plutôt dans la sienne, celui qui nous associe, sinon à toutes ses occupations, du moins à tous ses loisirs, et qui ne garde par conséquent aucun goût, aucun plaisir, aucun intérêt de cœur ou d'esprit qu'il ne veuille pas ou qu'il ne puisse pas nous faire partager. L'homme enfin qui, en se mariant, verse franchement tout son fond dans son ménage sans aucune réserve égoïste. Soyez cet homme-là, et vous attacherez votre femme à votre foyer en vous y attachant vous-même. Votre foyer ne sera pas seulement dans votre maison, vous l'emporterez avec vous comme un hôtel domestique. Il sera partout où vous serez avec elle. Il sera dans son cœur et dans le vôtre, partout où vous confondrez dans une affectueuse intimité vos pensées, vos impressions, vos enthousiasmes, vos croyances, votre charité. Mon Dieu, certainement, monsieur, le mariage est une entreprise qui promet d'inestimables bénéfices. Mais il y a un cahier des charges. L'aviez-vous lu ? Je crains que non, car vous y auriez vu qu'une grande part de l'éducation de la femme revient à son mari. Que c'est à lui de modeler à son gré, de former suivant ses vœux, d'élever à la dignité de ses sentiments et de ses pensées ce jeune cœur et ce jeune esprit qui ne demande qu'à lui plaire. Vous y auriez vu qu'il est à la fois sage et charmant d'ajouter aux liens qui unissent une femme à son mari ceux qui unissent l'élève à son maître, à son instituteur, à son guide, à son ami. J'entends l'objection. Ce jeune cœur et ce jeune esprit se dérobaient à vos soins. Ils vous opposaient leur éducation futile, leur goût de dissipation, de vanité, de coquetterie, bref, l'incurable frivolité des femmes. Monsieur, je ne crois pas à l'incurable frivolité des femmes, ni vous non plus, car vous voyez comme moi tous les jours cette incurable frivolité se transformer sous l'empire de la passion, de la pitié, de la foi, du malheur, en dévouements austères et en abnégation rigide. Comment, pourquoi, ne céderait-elle pas à la douce autorité de ce premier amour si puissant sur le cœur de la femme, qui lui reparaît à travers tout, tant qu'elle vit, à travers ses outrages, ses ressentiments, ses vengeances, ses remords ? Non, avouez-le, vous n'avez pas essayé. Vous avez espéré que cet enfant que vous épousiez allait devenir brusquement du jour au lendemain, par la seule vertu du sacrement, une femme accomplie. Eh bien non, monsieur, c'était un miracle qu'il fallait avoir la bonté d'opérer vous-même. Je suis, Dieu merci, au bout de mon serment. Excusez-moi. Daignez méditer sur ce texte pendant les derniers jours de votre exil, et vous ne manquerez pas de perfectionner ici l'ouvrage ébauché par mes faibles mains. Madame de Rias à Monsieur de Rias. Avril. Vous avez jugé nécessaire, mon cher Lionel, de mettre entre nous un intervalle de recueillement et de silence. Je me suis résigné jusqu'à la dernière heure. Mais je ne veux pas vous laisser revenir sans vous envoyer un mot de mon cœur. J'espère que vous serez désormais plus content de votre femme affectionnée et fidèle, Marie. Sauf contre ordre de votre part, je compte m'installer à Fresnes dès le 1er mai. C'est là que je vous attendrai. Je ne perdrai pas la compagnie de ma chère Louise qui s'établira en même temps au pavillon chez son frère.